J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Le Populaire, jeudi 19 novembre 1936. Ils l'ont tué. Roger Salengro est mort. Il a mis fin à ses jours la nuit dernière. L'abjecte campagne de calomnie a brisé la force de résistance de ce vaillant socialiste, de cet héroïque soldat. La feuille infâme de la famille Quiap et ceux qui se sont solidarisés avec l'ignoble Carbuccia sont responsables de cette mort. Fascisme assassin. L'émotion est grande à Lille et dans le Nord. À Paris, règne une vive effervescence dans les milieux politiques et parmi les travailleurs. À la Chambre, même des députés de droite stigmatisent l'odieuse campagne menée contre Salengro et qui vient d'avoir un si tragique dénouement. Léon Blum, président du Conseil, accompagné de M. Violette, ministre d'État, et de Bédousse, ministre des Travaux publics, s'est rendu aussitôt à Lille pour saluer la dépouille mortelle de son collaborateur. Paul Faure, ministre d'État, et Raoul Aubeau, sous-secrétaire d'État à l'Intérieur, sont partis pour Lille dans l'après-midi. Le ministre du Travail, Jean Lebas, se trouve à Lille également. L'abjecte attitude de certains étudiants camelots du roi. Des étudiants, ex-camelots du roi, qui fréquentent le foyer du duc de Guise, 19 rue des Grands Augustins, ont fêté, hier à midi, la nouvelle de la mort de Roger Salengro. À l'issue du déjeuner, ce fut en effet une tournée générale pour saluer la disparition de celui qui avait eu le courage de dissoudre les ligues factieuses. Tant d'abjections, tant d'ignominies se passent de commentaires. La lettre de Roger Salengro à Léon Blum, le 16 novembre 1936. Mon cher Blum, ma femme est morte il y a bientôt 18 mois de la calomnie qu'on ne lui épargna pas et dont elle souffrit tant. Ma mère ne se remet pas des suites de son opération et la calomnie la ronge jusqu'aux moelles. J'ai lutté de mon côté vaillamment, mais je suis à bout. S'ils n'ont pu réussir à me déshonorer, du moins porteront-ils la responsabilité de ma mort, car je ne suis ni un déserteur, ni un traître. Mon parti aura été ma vie et ma joie. Mon affection au mien, mon souvenir au nôtre. À vous, ma reconnaissance, Roger Salengro. La commission administrative permanente du Parti socialiste flétrit la campagne abjecte de la feuille infâme. Réunie hier soir à la maison du parti, la commission administrative permanente du Parti socialiste SFIO a adopté à l'unanimité le texte suivant. À bout de force, torturé et brisé par la campagne abjecte de l'infâme, Roger Salengro s'est donné la mort. Ils l'ont tué, comme ils ont tué Jaurès, aussi sûrement que s'il lui avait tiré 2 balles de revolver dans la tête. La vérité établie n'avait pas désarmé l'atroce calomnie. Le Parti socialiste pleure un homme qui n'a jamais failli à aucun devoir, un de ses meilleurs militants. Mon parti aura été ma vie et ma joie. Telles sont les dernières paroles de celui que le parti n'oubliera jamais. Que les travailleurs se souviennent. Du fascisme, Roger Salengro doit être la dernière victime. La feuille infâme ne paraîtra pas. Les typos ont arrêté le travail hier à 15h. La direction de Gringoire s'est rendue hier à l'imprimerie où le prochain numéro était en chantier. Elle a revu toutes les épreuves et en a retiré tous les textes concernant Roger Salengro, scrupule tardif et qui n'enlève rien à la terrible responsabilité de la feuille infâme. À 15h, les typos de Gringoire recevaient une communication du comité intersyndical du Livre parisien. Gringoire ne paraîtra pas. Les obsèques de Roger Salengro auront lieu à Lille dimanche à 14h.